leur trouver la 7e compagnie qui campait avec les bronzés tout là-haut chez les ch'tis. Tous partis en grande vadrouille, invités à un dîner. Trois frères les attendaient. Papy fait la cuisine, une soupe au chou et du lait de chèvre. Des gendarmes de Saint-Tropez marchent à l'homme sous un orteillet, cherchant le magnifique. Des valseuses en juste son nom, le Charlot las de la glisse, c'est Cambrice de Nice. Quand te reverrai-je le marginal des plages, pays merveilleux. Le fugitif cherche la poste, d'ici un randonneur. C'est la cité de la peur. Sur un carton squat, un mendiant assis au pied d'un grand restaurant. Un toubib mange dedans, distraira vos Père Noël, lui donnant la loue, la cuisse ou au chevalier blanc.